On se retrouve à nouveau sur les antennes de Fadjet. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui on va aborder le thème de l'interreligieux. Donc c'est un thème qui est assez problématique en ce moment dans notre société, dans les écoles et bien sûr chez les scouts. C'est pour ça que les scouts vont essayer d'y répondre. Et pour y répondre, j'ai plusieurs invités avec moi. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans et je suis cheftaine au Scouts et Guides de France, Caravelle, donc les filles de 14 à 17 ans. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ollier, je suis le responsable de l'association Coexister à Nancy. Coexister, en quelques mots, c'est le mouvement interconfessionnel des jeunes, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire agir ensemble des jeunes à la fois croyants, donc chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, donc de toute croyance ou spiritualité religieuse, et à la fois non-croyants, athées, déistes, agnostiques, principalement des jeunes, parce que tous nos responsables vont avoir entre 15 et 35 ans, et pour ça, on va essayer d'agir pour le vivre ensemble au travers de la coexistence active, voilà, au travers d'actions de dialogue, conférences, visites de lieux de culte, débats de solidarité, actions écologiques, maraudes pour SDF, tout ce qui va toucher à aider tout un chacun, et aussi beaucoup de sensibilisation en milieu scolaire et non scolaire pour expliquer aux jeunes ce qu'est la laïcité et les aider avec eux à déconstruire les préjugés. Alors moi c'est Lucie, j'ai 24 ans et je suis membre des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, qui est une des deux plus anciennes associations de scoutisme créées en France en 1911, avec les éclaireuses et éclaireurs de France qui sont nos amis laïcs, et donc les unionistes, c'est le côté protestant de la force scout. Et moi j'y occupe une place assez particulière, je fais partie de l'équipe régionale Alsace-Lorraine, et c'est l'équipe qui est chargée de vérifier que toutes les activités qui se déroulent en Alsace et en Lorraine eh bien, se passent dans de bonnes conditions. C'est nous qui déclarons les activités auprès de Jeunesse et Sport, et mon rôle plus spécifiquement, c'est l'accompagnement pédagogique des meutes, donc les louveteaux et les louvettes, qui sont les enfants de 8 à 12 ans chez nous, et la communication. Bonjour, Jean-Pascal, je suis issu du scoutisme français. Je représente aujourd'hui le collège d'Alsace-Lorraine et je viens du Scout Élite de France. Pierrot, je suis prêtre sur le quartier du Haut du Lièvre, mais bon, le plateau de Haye maintenant. Je suis prêtre et l'évêque m'a nommé il y a quelques années aussi comme son délégué pour le dialogue interreligieux. Et on est une équipe de quatre, il y a Odile, Marie-Alix et Gérard et moi-même qui portons ce souci-là. Et depuis quelques années, en dehors des événements, heureusement, on a eu l'occasion de se rencontrer pour les 50 ans du Buisson Ardent, qui se situe aussi au Haut du Lièvre. Donc ça a été un début de rencontre entre l'évêque, le rabbin, le responsable de la communauté juive, et puis Amine Nejdi, représentant du culte musulman, et moi-même. Ce qui fait qu'après les attentats malheureux du mois de novembre, on a pu avoir une déclaration commune, et je crois que c'est important que dans le monde d'aujourd'hui, qui est malmené, il y ait des signes de fraternité par des responsables aussi religieux. Merci à tous de m'accompagner. Avant d'aborder le thème, on va écouter un petit micro-trottoir. On a été à la rencontre de jeunes, donc c'est-à-dire des vrais enfants qui sont tout jeunes, mais aussi des plus vieux, pour parler justement de la religion, de qu'est-ce que c'est Dieu pour eux, et on va voir pour eux qu'est-ce que la religion. C'est qui Dieu pour toi ? Bah, c'est le chef de notre pays. C'est celui qui commande tout. C'est Jésus. C'est quelqu'un qui vit dans le ciel, qui a un pouvoir, qui a créé l'homme. C'est mon Seigneur. Bah, c'est une personne qui a créé l'univers. C'est une personne que l'on doit respecter. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu ? Il nous observe, il commande. Il nous observe, il nous protège. Il nous regarde, il regarde comment on traite la nature. Quand on tombe, il nous donne la force de nous relever. Quand on sait qu'on peut pas marcher, quand on peut pas voir, il nous donne la force de pouvoir ouvrir l'œil. Bah, il nous aime et il nous aide quand on a des moments compliqués. Est-ce que tu penses qu'on peut lui parler ? Oui, quand tu pries. Oui, lorsqu'on fait notre prière. Oui. Oui. Bah, on peut pas, il peut nous entendre, mais on peut lui parler comme ça, oui. Et toi, tu lui parles des fois ? Oui, quand je suis tout seul et que je suis tout seul dans ma salle de jeu, et bah, je demande à ma maman si je peux être tout seul 5 minutes, et puis je veux lui parler. Oui, parfois. Et est-ce que à l'école ou au scout, tout ça, t'as des copains qui ont pas le même Dieu ? Non. Moi, je connais un autre Dieu. Dieu, c'est Zeus. Sinon, j'ai des copains qui connaissent un peu sur les dieux. Oui, En Hachla. Non, tous mes copains n'y croient pas. Oui, à l'école. J'ai une amie qui n'est pas chrétienne. Elle est de religion musulmane. C'est quoi pour toi l'interreligieux ? C'est vivre ensemble avec tous ensemble le quotidien de chaque religion. C'est la communication entre les religions, tout simplement. Des moments d'échange, de partage, même de vie entre des personnes qui ont des religions qui sont différentes ou qui n'ont pas de religion. Est-ce que pour toi, les religions sont facteurs de tension ? Oui, ça l'est. Ben, on ne peut pas dire que ça ne l'est pas, parce qu'il y a des guerres partout, mais ça ne devrait pas l'être. Je dirais plus largement que c'est la différence qui est facteur de tension, et partant du fait qu'il y a différentes religions, oui, elle est facteur de tension aussi. Je dirais oui et non. Donc elles peuvent être facteurs de tension parce que les personnes ne sont pas ouvertes et pensent selon leurs certains principes et n'iraient pas écouter d'autres. Et après, en même temps, pas forcément, puisque les personnes peuvent très bien cohabiter en ayant des religions qui sont différentes, même vivre ensemble, ou même des personnes qui n'ont pas de religion pourraient très bien vivre avec quelqu'un qui a une religion et qui la pratique. Tu penses qu'il faut croire en Dieu pour être scout ? Clairement non, sinon il y aurait beaucoup moins de scouts que le nombre de scouts qu'il y a. Non, absolument pas. Parce que si on se limitait à la croyance en un Dieu hypothétique, réel, ou jugé inexistant, quel intérêt pour un mouvement qui se base sur la différence des uns des autres que de s'ouvrir à la différence dans ce cas-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être scout, qu'il y a plein d'autres... du moment qu'on se retrouve dans les valeurs qui sont portées par le scoutisme et qu'on se sent bien dans le mouvement dans auquel on appartient, et au contraire, on peut apporter quelque chose d'autre au mouvement. Comment vit-on le scoutisme dans des mouvements d'autres religions, selon toi ? Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est de temps en temps des célébrations, de temps en temps le quotidien avec les cultures différentes. Je pense que ça doit être assez similaire à nous, en fait. C'est l'idée d'une spiritualité et aussi, bien sûr, d'une ouverture à la religion. Je ne sais pas comment on vit le scoutisme dans des mouvements d'autres religions, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne me suis pas trop penchée sur le sujet, mais les camps qui sont organisés entre les différents mouvements scouts peuvent être intéressants pour voir comment les autres vivent le scoutisme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Parlons de l'interreligieux. Comment vivre l'interreligieux ? Qu'est-ce que c'est même à la base l'interreligieux ? Guillaume, toi qui es de coexister, c'est quoi pour toi l'interreligieux ? J'ai envie de dire que l'interreligieux, c'est presque trop limité. Et c'est quelque chose que je rencontre quasiment tous les jours quand je suis à coexister, que les gens se disent d'abord il faut aller vers l'interreligieux. Mais l'interreligieux, on oublie en fait qu'il y a des gens qui ne se revendiquent d'aucune religion. Et quand on se dit interreligieux, c'est presque comme si on les mettait à l'écart. Donc je sais bien que c'est absolument pas ce que t'attendais de ma réponse, mais j'avais besoin quand même de le dire. Et du coup, c'est pour ça que c'est très très intéressant de demander ce qu'est l'interreligieux, parce que même l'interreligieux, quand on sait quel est son but de faire communiquer les religions les unes avec les autres, faire se découvrir les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, de chaque religion avec les personnes des autres religions pour que chacun apprenne un peu de l'autre, mais aussi fasse un retour vers sa propre foi, on voit quand même qu'il y a presque une limite à l'interreligieux. Et cette limite est presque le fondement de l'interreligieux. C'est paradoxal. Tu définirais comment alors les actions de coexister, qui sont des actions avec des jeunes de plusieurs cultures, plusieurs religions différentes ? Les actions de coexister sont de fait interconvictionnelles. Et pendant 5 ans, coexister s'est décrit comme le mouvement interreligieux des jeunes. Et au bout de 5 ans, on s'est dit, mais interreligieux, qu'est-ce qu'on fait de nos membres qui sont agnostiques, qui sont athées, qui sont déistes ? Il faut qu'on change le vocabulaire. Et du coup, on est passé au vocabulaire interconvictionnel. Et les actions de coexister sont du coup interconvictionnelles. Pierrot, toi, vous le vivez comment, l'interreligieux ou l'interconvictionnel Haut du Lièvre, qui est un quartier avec plusieurs cultures à la base même. Alors j'ai une bonne couverture, puisque je voudrais citer une expression, une conviction du cardinal Torrent, qui est chargé par le pape du dialogue interreligieux. Et il disait, plutôt que de parler de dialogue entre les religions, il faut parler du dialogue entre croyants différents. Et là, on peut avoir des croyants en l'islam, croyants catholiques, croyants Mais il y a aussi tous les croyants en l'homme, et heureusement qu'ils sont là, pour sauver l'humanité. Il n'y a pas qu'une question de langage religieux. Mais c'est vrai que l'interreligieux évoque plus le dialogue entre différentes religions. Mais ce n'est pas qu'une nuance, ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est plus fort que ça. C'est de dire, moi je ne parle jamais d'un croyant. C'est comme si nous on avait une vérité, puis les autres ils n'ont plus qu'à se battre les flancs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je crois que quand on dit dialogue, si bien que le service des relations avec l'islam au niveau national, qui est donc mandaté par les évêques de France, vient de changer de nom, c'est le service national des relations avec les musulmans déjà. C'est le service des relations avec l'islam. Et là, c'est avec les musulmans, parce que l'islam, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a différents courants aussi. Comme quoi, les mots ne sont pas que pour nous faire une raison d'être. Ils expriment une recherche et une volonté, pour moi. Du coup, je pose la question un peu à tout le monde. Ceux qui veulent intervenir, intervient. Mais comment on fait vivre l'interreligieux, selon vous? Par quelles actions? Par comment en parler? Les différentes conceptions qu'il y a de l'interreligieux? Je vais répondre. Cette question, elle m'intéresse beaucoup parce qu'on la vit beaucoup aux unionistes. Déjà, dans l'association même, et j'aimais beaucoup l'histoire de l'interconviction et de la prise en compte des non-croyants, enfin non-croyants, entre guillemets, voilà, oui. Puisque notre association, et je pense que c'est le cas aussi pour les Scouts et Guides de France, est ouverte à tous. Donc déjà, partant de ce principe-là, on sait déjà qu'on va avoir des jeunes qui peuvent venir d'horizons différents, qui auront des convictions différentes. Et notre but à nous, en tout cas dans notre action pédagogique, c'est de faire en sorte que chacun puisse exprimer ce qu'il pense et exprimer aussi ses convictions. Et ça, on va le faire pendant les temps spirituels, qui sont des temps de réflexion, souvent associés à un jeu, basé sur un texte biblique, où chacun aura le droit à la parole et sans droit de regard, etc. Ensuite, on le vit avec les autres associations du scoutisme protestant, et je vais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est qu'au sein même du protestantisme, comme dans d'autres religions, il y a énormément de courants différents. On a des divergences théologiques parfois assez importantes. Et on vient tout juste de signer une convention pour en fait réaffirmer les valeurs communes qu'on a entre les 6 associations de scoutisme protestant qui existent. C'est quand même beaucoup. Donc il y a ça. Et ensuite, sans vouloir spoiler un petit peu le prochain intervenant, il y a le scoutisme français. Et en tout cas, dans le scoutisme, je réponds peut-être plus spécifiquement pour notre activité à nous et peut-être moins généralement, mais on est quand même 6 associations maintenant réunies sous cette fédération-là. On a les laïcs, 5 et un membre associé. On a les laïcs, on a les protestants, les catholiques, les juifs, les musulmans et depuis peu, donc en membre associé, les bouddhistes. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? On est tous sous une même fédération. On se rencontre, tout simplement. Et comme on le disait, c'est le fait de se retrouver dans des valeurs communes qui sont celles du scoutisme. Et il y avait une très très belle expression que j'avais vue dans les papiers de la fédération, qui était le fait de se rassembler sans se ressembler. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut faire, c'est se rassembler, c'est parler sans se ressembler. Alors, je vous ai bien écouté, mais alors moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est laïcité. Très bonne question. Parce que vous dites croyant, non-croyant, du coup, c'est être laïque. C'est vrai qu'à coexister, la laïcité, un peu grossièrement, c'est notre fonds de commerce. C'est vrai qu'on se veut vraiment défenseur de la laïcité en France, parce que dès que la première loi sur la laïcité, la fameuse loi de 1901, a été... de 1905, oui, pardon. La loi de 1905 a été promulguée, il y avait déjà beaucoup de visions différentes de la laïcité. Il y avait tous ceux qui disaient que toutes les religions devaient rester chez soi et que dans le domaine public, il fallait surtout rien qui soit en rapport avec la religion, ne parlez pas de religion. Et de l'autre côté, il y avait déjà tous ceux, et c'est ceux qui ont gagné, qui disaient non, on peut s'exprimer sur la religion, sur nos convictions, sur les non-religions aussi, à condition de ne pas obliger les autres à penser ou à ne pas penser ce que l'on pense, et à condition de ne pas forcer les autres à faire ce qu'on fait ou à faire ce que l'on ne fait pas. Donc je pense que la laïcité, c'est vraiment le cadre, et il faut le prendre comme un cadre qui permet à chacun d'exprimer ses convictions profondes, sa part de spiritualité que chacun a, dans un cadre pacifiste au sein duquel chacun va pouvoir prendre part au débat sans se sentir menacé par les autres. Il faut vraiment, à mon avis, prendre la laïcité comme un cadre, voilà. Moi, je pense que les laïcs, même s'ils ne se disent pas d'une religion quelconque, ils ont des croyances et des valeurs qui adhèrent forcément à l'une ou l'autre des religions. Donc même quand on se dit laïque, on peut se retrouver avoir les mêmes valeurs que des catholiques ou des protestants ou d'autres religions. C'est-à-dire que lorsque je viens d'entendre, là, le dialogue, disons, interreligieux ou intercroyant, c'est, ce qui me paraît important, c'est accueillir l'autre dans sa différence. Hein. Et il y a des... Pour favoriser ce dialogue entre nous, croyants, ou ceux qui sont dans cette foi dans l'homme, il n'y a pas à étiqueter, parce que moi, à aucun moment, je verrai quelqu'un qui ne se situe pas comme croyant dans la foi catholique vivre le sens de l'autre, l'accueil de l'autre et tout ça, je ne vais pas le baptiser pour autant catho. Hein, j'ai un tel respect de lui que je n'ai pas à baptiser contre sa volonté quelqu'un. Et ce qui me paraît important, et c'est des pièges à éviter dans le dialogue, c'est, mettons, on a tous la même foi. Il n'y a rien de tel pour tuer le dialogue, puisque si la foi dans l'islam, la foi catholique et la foi protestante, on a la même foi, on n'a plus rien à se dire. Ça me paraît d'une logique évidente. Hein. C'est rentrer dans la connaissance de l'autre et dans le respect de ce que l'autre croit. Mais je vais au-delà, moi je pense, enfin, je peux témoigner de ma propre expérience, le fait, c'est pas parce que l'évêque m'a nommé pour le dialogue interreligieux que j'ai changé comme prêtre, mais je me dis depuis que je suis en dialogue beaucoup plus, d'abord si je suis là au milieu de vous cet après-midi, c'est grâce à ma voiture qui a été réparée par Salah, alors qui est musulman et qui me répare ma bagnole parce que je lui ai prêté une fois mon garage. Vous voyez le travail ? Je dis, il y a le dialogue de la rue, il y a le dialogue de la vie de tous les jours. Et c'est le dialogue de l'humanité. Mais après, si je peux me permettre, là on parle un peu du dialogue entre les différentes religions. On prêche un peu à des convaincus, on pourrait dire, puisque c'est des gens qui, déjà à la base, dans ce qu'on vient de dire, enfin environ, sont tous convaincus que c'est important ce dialogue. Ce que je voudrais rebondir un peu sur ce que tu dis, Pierrot, c'est est-ce que les différences peuvent amener à des tensions ? Notamment dans des quartiers, toi tu viens par exemple d'Audulef, sans rentrer dans le stéréotype, hein, mais c'est un quartier où il y a une religion qui est la religion musulmane, qui est plus accentuée qu'une autre religion. Et du coup, est-ce que ça peut amener des tensions ou alors... Pas du tout, c'est juste un stéréotype de ma part et n'hésite pas à le dire. Ben, je me dis, justement, concrètement sur l'Audulier, il y a une petite communauté catholique d'une cinquantaine qui se retrouve le dimanche. À 80 mètres de ce lieu-là, il y a une mosquée et à 200 mètres, il y en a une autre. Mais moi, je suis pour pas qu'une coexistence pacifique, mais justement comme une chance pour que... À cause des liens de la vie de tous les jours, des communautés se rencontrent. Et là, malheureusement, hein, je dis bien à cause des événements, y a de part et d'autre, on sent cette volonté de dialogue. Mais justement, Pierre, je voudrais qu'on précise le mot tension. Enfin, qu'est-ce qu'on entend par tension ? Alors, moi, par tension, après, on peut me couper. Hein. Par tension, j'entends un peu du communi 1, 2, 3, je répète le mot. En tout cas, qui vivent en communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en faisant aussi en gros... On nous parle souvent dans les médias de aujourd'hui les gens sont en communauté, tout ça. Et je me demande si vraiment, si c'est les médias ou alors c'est quand on va sur le terrain, est-ce qu'il y a des différences qui peuvent amener à des tensions et justement qui peuvent amener à l'extrême à des violences, mais même à des différences et des séparations entre les hommes. Alors là-dessus, je pense qu'en tant que membre de Coexister, je peux apporter une petite réponse. Une grosse part de notre action. On en fait d'ailleurs à peu près 3 par jour, tous les jours en ce moment, c'est de faire des sensibilisations, essentiellement dans un cadre de collège ou de lycée, privé comme public, et aussi auprès de groupes de jeunes qui nous demandent de venir leur en faire. Donc, assez souvent, on se retrouve avec 200 jeunes d'un même niveau scolaire, 200 troisièmes, face à nous, et au travers d'un tas de petits jeux, nous, on essaie de déconstruire les préjugés qu'ils ont les uns envers les autres. Et ils le savent pas forcément, de temps en temps ils en sont bien conscients, et c'est là où je veux en venir. C'est que assez régulièrement, et presque à chaque fois, quand on leur demande d'écrire anonymement sur des bouts de papier leurs préjugés qu'ils ont sur une autre conviction, on peut très facilement retrouver, et là je vais volontairement dire, aller vers les plus extrêmes, que les musulmans par préjugé sont terroristes, que les chrétiens par préjugé sont pédophiles, que les juifs par préjugé sont des voleurs, que les athées par préjugé ne comprennent rien au monde ou sont des branleurs. Désolé pour mon vocabulaire, mais c'est des choses que l'on voit à chaque fois. Donc la tension entre les différentes convictions, on ne peut pas la nier. Mais surtout, ce que l'on ne peut pas nier, c'est que dès que on va ensuite poser la question à notre public de jeunes, donc des ados qui sont en 4e, 3e, seconde, qui sont encore en train de se construire, qu'on leur demande, mais qu'est-ce qui, selon vous, peut faire penser que telle personne, parce qu'elle a telle conviction, va plutôt avoir ces tendances-là ? Et qu'il y en a un peu plus téméraire que d'autres, qui va lancer même juste une blague, bah, il suffit de leur apporter une minute de connaissance à peine, une minute de faits, de chiffres, de n'importe quoi, et ils se rendent compte que c'est complètement faux. Ouais, moi, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des tensions, parce que tout ce que j'entends, là, une fois de plus, c'est les extrémités, les extrémistes. Mais il faut savoir que les extrémistes, pour eux, c'est un monde meilleur qu'ils veulent apporter. Mais il faut faire attention à cette définition-là. Alors, je me retournerai plus vers Pierre, qui est plus un monde du terrain. Je ne crois pas qu'il y ait de tension vraiment entre les gens de quartier qui ont des croyances différentes. Et je pense qu'eux, ils sont aussi outrés des événements actuels. Oui, ah bah oui, ils sont même contre ce qui arrive. Oui, hein. Oui, puis en même temps, il y a un vécu commun. L'équipe du Vaudulièvre, on ne va pas dire l'un tel est musulman, l'autre il est catho. Moi, je connais des jeunes qui ont été en catéchèse, dénommé Alan, qui est catholique, sa maman est catéchiste. Je crois que le fait de rentrer dans la croyance rentrer dans la connaissance de l'autre peut aider celui qui est d'une religion à creuser sa propre. Parce que quand ils font le mois du ramadan, je me dis, nous, on avait une manière de faire le carême, les cathos, où on achetait du poisson plus cher, mais le vendredi, parce qu'il fallait manger du poisson, personne n'y gagnait. Et je dis, je vois Alan, qui est catholique, qui joue au foot avec un autre, hein, je ne vais pas redonner les prénoms que je connais, bon, avec d'autres, au moment du carême, il me dit, tiens, quand est-ce que commence le carême, Pierrot ? Ben, je lui dis, ça va commencer le mercredi décembre. Et puis sa maman me dit, bah, tu sais pas, là, il ne fait pas du copier-coller. Il a une amitié avec son copain musulman, il fait que le carême, ben, il jeûne quand il se lève jusqu'au soir, il ne va pas attendre le lever du soleil et puis le coucher du soleil pour faire comme. Ça, la manière de faire le mois du ramadan de son copain musulman lui fait approfondir sa manière de vivre le carême. Hein, c'est... On va bientôt s'arrêter sur le débat, mais j'aurais juste une dernière question pour un peu retomber sur le sujet du scoutisme. Et je la pose plus à Lucie, à Chloé ou à Jean-Pascal qui sont dans le scoutisme. Est-ce que selon vous, le scoutisme a les moyens de s'ouvrir à l'interreligieux, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont les moyens de s'ouvrir à des jeunes d'une autre religion et est-ce que comment faire quoi. Bah oui, tout à fait. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur ce que disait coexister juste avant. C'est que le problème, ce sont peut-être pas vraiment les différences, c'est justement la connaissance ou l'ignorance de la personne. Et à partir du moment où en fait on entre dans les détails de ce que peut être la religion de l'autre, tout se passera bien. Si on prévient un Anglais qu'en croisant une Française, elle va lui faire la bise, il sera peut-être moins choqué que si elle lui fait directement sans le prévenir. C'est un exemple bête, mais je pense qu'il est aussi représentatif de ce qui se passe avec les religions. Et de toute façon, si on veut que les choses changent et que l'action de coexister soit poursuivie, même dans le scoutisme, ça passe par l'éducation populaire. Donc dans tous les cas, on est les mieux placés, en fait, pour apprendre aux enfants à vivre avec les autres. Et c'est le point de départ de toutes les associations qui sont membres de la Fédération du scoutisme français, qu'elles soient confessionnelles ou non. Alors, mais moi, j'ai une remarque. Comment on apprend à nager à notre voisin quand nous-mêmes, nous ne savons pas nager ? Et bien justement, c'est là qu'intervient la formation des responsables, chefs et cheftaines, qui sont les animateurs de nos associations respectives. C'est qu'à partir du moment où on forme nos animateurs à ensuite enseigner aux enfants que le vivre ensemble, c'est le modèle idéal pour la société. Forcément, ils sauront le transmettre aux enfants, les enfants l'intégreront, et de toute façon, avec nos outils pédagogiques, c'est ce qu'on met en place. Je te rejoins par rapport à ça. Le fait que les enfants ont tous des religions différentes et à la base sont différents, l'éducation qu'on va leur donner, ça sera la même pour tous, peu importe la religion qu'ils aient. Donc du coup, forcément, ils se rejoindront tous sur un point. Donc voilà, ils vivront ensemble selon ce que nous, on leur a appris. Et voilà, après, il peut y avoir des débats sur ce qui est leur religion propre, tout ça, mais voilà. Ok, c'était très intéressant comme débat. On va faire une petite pause musicale avec un chant scout qui s'appelle Paris d'avenir, qui avait été fait pour un rassemblement scout sur le thème de la diversité. Thank you. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Inconnu ne me fait pas peur, m'ouvre les yeux, m'ouvre le cœur. C'est grâce à toi que je chemine vers la paix, que je suis fort et abreuvé d'humanité. Ouvrir les portes, briser les murs, prendre nos masques, nos armures. Nous sommes tous d'un même pays où l'homme se différencie. J'ai la soif de te connaître, j'ai la soif de te connaître, j'ai la soif de te connaître. Paris, Paris, Paris d'avenir, pour le meilleur Paris, si mes frères, aux quatre coins du monde pour agir, donnons du cœur, restons solidaires. Paris, Paris, Paris d'avenir, pour le meilleur Paris, si mes frères, aux quatre coins du monde pour agir. Paris, Paris, Paris pour la terre. Pas peur, il sera juste et en couleur. C'est pour demain que j'ai le désir de changer, d'offrir mes bras et mes idées pour avancer. Prendre le temps pour inventer une nouvelle façon d'habiter. Autant de temps pour innover que de temps passé à rêver. La terre nous appelle à changer, la terre nous appelle à changer, la terre nous appelle à changer. Paris, Paris, Paris d'avenir, pour le meilleur Paris, si mes frères, aux quatre coins du monde pour agir, tenons du cœur et sont solidaires. Paris, Paris, Paris d'avenir, pour le meilleur Paris, si mes frères, aux quatre coins du monde pour agir. Paris, Paris, pour la terre. L'engagement ne me fait pas peur, je fais des choix et des erreurs qui font de moi un homme avec identité, pas celle des lois ni des papiers bien tamponnés. Lâcher l'aiguille et ses cadrans, les sabliers voleurs de temps, oser la vie et ses projets pour enfin me réaliser. Prendre un chemin de vérité, prendre un chemin de vérité, prendre un chemin de vérité. Paris, Paris, Paris d'avenir, pour le meilleur Paris, si mes frères, aux quatre coins du monde pour agir, donnons du cœur, restons solidaires. Paris, Paris, Paris d'avenir, pour le meilleur Paris, si mes frères, aux quatre coins du monde pour agir. Paris, Paris, Paris pour la terre. Pour conclure cette émission, Coexister nous a préparé un petit quiz sur les différentes religions. Donc je laisse Guillaume présenter et je vais jouer avec vous. Alors tout d'abord, première question qui à mon avis n'est pas inintéressante. Vous savez sûrement qu'en France on n'a pas le droit de tenir des statistiques sur l'appartenance religieuse des personnes. Oui. Par contre, j'ai plus le nom de l'institut de sondage, mais en 2011, un institut de sondage avait pensé à poser la question différemment. Parmi la population française, quelle est la part de personnes qui se dit croyant? Quelle est la part de personnes qui se dit non-croyant? Donc on pourra qualifier sûrement d'athée. Et quelle est la part de personnes qui ne savent pas trop, pas que ça les intéresse pas, mais qui ne savent pas si vraiment ils ont une croyance particulière ou pas, qu'on pourra qualifier, mais bien abusivement, d'agnostique, selon vous? Je sais pas, je dirais 10% de croyants et 90% de non-croyants. Non, je dirais 50% de personnes qui se disent croyantes. Et les 50% pour le reste, c'est athée et de fait indécis. Moi, je dirais 60, 30 et 10. Un tiers de chaque. Pardon ? Un tiers de chaque. Oui, voilà. Eh bah, bien, je ne sais pas si c'est la providence divine qui vous a guidé, mais c'est bien. En France, on est à peu près sur un état, en 2011, ça a peut-être évolué depuis, mais sûrement pas beaucoup, un état où, de fait, un tiers de la population va se déclarer croyant, un tiers va se déclarer non croyant et un tiers va se déclarer plutôt indécis. Bah, c'est la providence. Autre question. Sur les quatre religions, sur les d'abord les trois religions monothéistes et la dernière religion là, avec le plus d'importance dans le monde, donc sur le judaïsme, le christianisme, l'islam et le bouddhisme, en prenant à chaque fois tous leurs courants respectifs, je vais poser les questions successivement. Selon vous, combien est-ce qu'on compte de juifs dans le monde ? 10 millions. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Alors si on part du principe qu'on est 7 milliards... Moi, je dirais qu'ils sont 50 millions. 50 millions. Là, j'ai pas d'idée, moi. Pas d'idée. Personne. Ouais, moi, je dirais entre 10 et 50. Non, alors, de fait, la population juive dans le monde est estimée à 15 millions de personnes. Chez les bouddhistes, selon vous, combien est-ce qu'on compte de bouddhistes dans le monde ? Je dirais 3 millions. Je dirais 2 milliards. 2 milliards. Oula, gros écart. Attention. Je dirais moins que les juifs. Oui, moi aussi, 2-3 millions, oui. Eh bien, le bouddhisme est la troisième religion du monde avec 415 millions de personnes représentées comme bouddhistes. Et je parle bien de religion parce qu'il y a des spiritualités. Je suis un peu loin, là. Voilà, oui, un petit peu. Mais donc, on est à presque un demi-milliard de bouddhistes dans le monde. Et une dernière question ? Ah, une dernière question. Oh, je vais pas faire sur les chrétiens et l'islam, je vais les donner directement. Les chrétiens, il y en a 2,6 milliards et les musulmans, il y en a 1,6 milliard. À chaque fois, pris en tout leur, tout leur courant. Quelle est la signification de Mohammed ? Le nom du prophète de l'islam ? Joker pour moi. Joker, ah là là. Vous en avez aucune idée ? Non, je sais sa mission, mais je ne sais pas ce que signifie le mot. Moi, c'était son prénom, c'est tout. Je dirais père, mais sans grande conviction. Moi, j'aurais bien dit celui qui transmet le message. Eh bien, j'avoue que je posais cette question en me doutant que personne ne saurait. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est important. Enfin, c'est une traduction qui est importante à savoir. Mohammed veut dire le sceau. Donc, celui qui referme, qui est, en tant que dernier prophète, celui qui vient finir l'histoire. Enfin. Non, qui vient pas finir l'histoire, mais qui vient donner les derniers textes saints. Et à mon avis, puisque je me doutais que personne ne saurait, c'était un petit indice important à donner. Donc Mohammed a la signification de le sceau parce qu'il vient conclure. Bah justement, je vais me charger de conclure cette émission. Merci à Fadjet de nous avoir accueillis. On peut dédier cette émission aussi à nos amis belges. Chez nous, les scouts, les Belges sont toujours ceux qui sourient le plus, qui sont les plus accueillants pour les avoir déjà rencontrés. Du coup, on espère qu'ils vont continuer à sourire et les scouts lorrains continueront à les accueillir s'ils veulent. Au revoir.